voltigeait tiré d'elle. Elle était tout à fait belle, et elle ignorait ses peines. Un jour dans un champ de blé, elle s'en fut vagabonder. Ignorant tous des dangers, elle dansait sans s'arrêter. L'enfer s'ouvrait devant elle, porte rouge derrière les